Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ma sœur, même si les gens ne t'aiment pas, même si tu es rejeté dans ta famille, mais je vais te dire que Jésus t'aime. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour toi. Sois fier de ce que tu connais Jésus-Christ. Abandonne les idées de suicide. Le Seigneur n'a pas encore fini d'agir pour toi et avec toi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Deutéronome 28, 11 à 14. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 28 à partir du verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais souligner dans ce passage. Voici la première vérité. Dieu promet de te multiplier. Que quelqu'un dise multiplication. Que cette année 2020 soit une année de multiplication. Vous savez, quand nous allons en mathématiques, il y a souvent les opérations qui se font par addition. L'addition, là, ça va lentement. Mais la multiplication, ça accélère. La multiplication. Cette année, Dieu veut multiplier ce que tu vas faire. Il veut multiplier tes affaires. Il veut multiplier tes comptes bancaires. Il veut multiplier tes ministères. Il veut multiplier tes églises. Il veut multiplier tout ce que tu veux faire. Multiplication. Il veut multiplier le nombre de membres, les disciples. La multiplication. Vous voyez, ce passage dit au verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Vous voyez, la multiplication s'étend sur plusieurs domaines. Il dit d'abord, en multipliant les fruits de tes entrailles, la multiplication. Je vais dire à une dame, c'est vrai, tu as déjà eu un bébé, mais le Seigneur annonce encore un autre bébé. Oui, c'est vrai, tu as prié pendant longtemps, le Seigneur va faire que tu vas rattraper. Il y a quelqu'un, je prophétise même les jumeaux dans le nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a entendu tes pleurs. Ça fait des années que tu priais pour avoir l'enfantement. Dieu va te multiplier les enfants. Il va multiplier les fruits de ton sol. Cette année, tu feras une grande moisson, une récolte abondante. Et ton chiffre d'affaires va augmenter. Tu vas oublier les pertes que tu as fait les années écoulées. L'Éternel va multiplier encore quoi? Il va multiplier les fruits de tes troupeaux. Si tu fais l'élevage peut-être de brebis, l'élevage de bœufs, l'élevage de poulets, l'élevage de lapins, Dieu te promet de te multiplier cette année. Saisis cette parole parce qu'il dit, il te promet de te multiplier. Toutes ces choses. Deuxième vérité. Dieu promet une bénédiction abondante. c'est ce qui est symbolisé ici par la pluie. Vous voyez, quand une pluie tombe, la pluie ici symbolise une bénédiction qui descend en abondance. Et je vais déclarer à quelqu'un, sur ta vie, une bénédiction, une pluie de bénédiction qui va tomber sur ta vie, sur ta tête, sur ta maison, sur ta famille. Une pluie de bénédiction. Tu vas oublier la galère des années écoulées. Le Seigneur dit ceci. Au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Vous voyez, lorsque la pluie tombe, cette pluie vient pour bénir le travail de tes mains. Cette pluie symbolise une bénédiction abondante. Et de telle sorte que tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Je vais dire à quelqu'un, les années écoulées, tu es trop endetté. Tu dois l'argent, tu dois 500 000 à celui-ci, tu dois 200 000 à celui-là, tu dois 1 million à celui-ci. Mais le Seigneur veut changer maintenant des choses. Au lieu que toi, tu ailles prendre des dettes par-ci, par-là. Mais c'est toi maintenant qui prêteras, tu n'emprunteras pas. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un extrêmement endetté. Ce n'est pas un bon signe pour un chrétien. Mais le Seigneur veut maintenant que ce sont d'autres personnes qui viennent prendre l'argent chez toi. Parce que tu seras tellement béni que les gens viendront chez toi. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il dit ici, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Même au niveau de nos nations, faisons en sorte que ce sont d'autres personnes qui viennent prêter chez nous. Que nous ne puissions pas aller emprunter à d'autres personnes. Oui, ça fait partie des bénédictions que Dieu nous donne. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien, dans ton entreprise, regarde, tu es trop endetté. Le Seigneur veut te bénir. Il veut envoyer la pluie de sa bénédiction, de sorte que tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras plus. Le Seigneur va te donner de quoi d'abord payer toutes tes dettes. Oui. Et tu sauras que c'est Dieu qui bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Troisième vérité ou troisième bénédiction, Dieu promet cette année l'élévation. 2020 sera pour toi une année d'élévation. Tu dois oublier les temps où tu étais toujours écrasé. Vous savez, l'élévation se manifeste dans plusieurs domaines. Là où tu travailles, tu as toujours le même niveau. Ton profil de carrière n'avance pas. Cette année, tu vas passer comme cadre. Je prophétise sur toi, mon frère. Je prophétise sur toi, ma soeur. Tu passeras cadre. Je prophétise sur quelqu'un. Oui, ça fait longtemps. Tu es bloqué. Tu dois devenir chef d'agence au niveau de ta banque. Oui, au nom de Jésus-Christ, cette année, tu reçois. Le Seigneur va débloquer cela parce que tu le mérites. Il y a la main de l'ennemi qui bloquait cela. Mais le Seigneur dit, cette année, il débloque cela et tu témoigneras. Tu sauras que le Seigneur est celui qui élève. Voyez ce que Dieu dit ici. Il dit au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui. Vous voyez, les expressions, la tête, signifie celui qui est élevé, celui qui commande, celui qui influence. La queue, c'est celui qui contraint. Depuis longtemps, tu es toujours à la queue. Ces gens contraignent toujours. Maintenant, le Seigneur veut te positionner. Ce positionnement va commencer d'abord au niveau de ta famille. Ce positionnement aussi va se manifester au niveau de ton travail. Ce positionnement va se manifester au niveau de ton ministère. Le Seigneur veut faire de toi la tête. Il veut que ton ministère ait de l'influence. De l'influence dans ton village. De l'influence dans ta région. Au niveau de ton pays. De l'influence même sur le plan international. Le Seigneur veut te positionner. Il dit, je veux faire de toi la tête et non la queue. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Ceux qui sont souvent la tête, ce sont les gens qui sont des païens, ce sont des mystiques. Il faut maintenant qu'aujourd'hui, cette année, les choses changent. Que maintenant, les chrétiens, les enfants de Dieu soient positionnés dans des postes les plus élevés pour influencer la nation, pour influencer l'Afrique, pour influencer le monde. Parce que le Seigneur dit, tu seras la tête et non la queue. Nous nous rappelons encore de ce qui s'est passé avec Mardoché et Aman. Mardoché était en bas. Et pourtant, c'est lui qui connaissait le vrai Dieu. Et Aman, il a détourné l'élévation de Mardoché. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a détourné spirituellement par le pouvoir de fétiche, il a détourné ta nomination. Au nom de Jésus, cette année, il va te rendre. Tu vas voir, Dieu va faire un signe qui va faire que ton Aman va tomber et toi, tu seras réhabilité comme Mardoché. Et quand Dieu va te réhabiliter, ça va se passer comme ça s'est passé avec Aman et Mardoché. Oui, avant, c'était Aman qui était sur le cheval et Mardoché était en bas. Mais quand les choses, il y a eu renversement de la situation, c'est maintenant Mardoché qui est monté sur le cheval et Aman était en bas. Oui, le Seigneur te dit, tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras jamais en bas. Cette promesse est pour toi. Mais il dit, tout ça c'est conditionnel. Il dit, à condition que tu marches dans l'obéissance. Tu vois mon frère, lorsque tu obéiras au commandement que je t'ai prescrit, oui, il faut que tu marches dans l'obéissance. Dieu ne peut pas te bénir quand tu marche dans les mensonges, tu marches dans l'immoralité. Il faut que tu apprennes à marcher dans la sanctification, dans la crainte de son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ton nom me donne la paix, Jésus. donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Oh, oh, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons ce Dieu merveilleux qui est digne d'être loué, glorifié. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière qu'on appelle OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Nous vous saluons chaleureusement et nous encourageons tous ceux qui captent OSB par les médias sociaux, par WhatsApp, à partager avec des amis, avec des parents, où qu'ils soient dans le monde. Nous prions selon les Saintes Écritures et aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Deutéronome 28, 11 à 14. Dieu donne des promesses, des bénédictions cette année et chacun de nous va s'en saisir dans la prière, va proclamer ses promesses au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier parce que Dieu promet la multiplication. Il dit, il va te multiplier les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton bétail, les fruits, tout ce que tu vas faire. Tu vas dire, Seigneur, multiplie-moi maintenant cette année au nom de Jésus. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Prie. Père éternel, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous proclamons tes merveilles. Nous exprimons chaque jour notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. À qui irions-nous, ô Père éternel? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi chaque matin, à notre réveil, tu es la première personne à qui nous nous adressons. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons qu'en cette nouvelle année, tu multiplies les œuvres de nos mains, tu multiplies les fruits de nos entrailles, dans le nom de Jésus-Christ. Multiplie, ô Père éternel, fais en sorte que tout ce que nous allons entreprendre porte du fruit, prospère. Fais en sorte que nos projets, nos activités prospère dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions et nous nous élevons contre tout obstacle à notre multiplication, contre tout obstacle à la multiplication des œuvres de nos mains dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Père, que tu te lèves en notre faveur et que nos ennemis soient dispersés. Nous te disons merci parce que nous avons l'assurance que tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous avons l'assurance que les projets, les plans que tu as prévus pour nous s'accompliront et s'accompliront certainement. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur et je demande au Père qu'en cette nouvelle année, tu multiplies les œuvres de ses mains, tu fasses prospérer les œuvres de ses mains et que tu le conduises dans les sentiers de la droiture. C'est avec grâce que nous prions, c'est avec joie que nous prions et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur promet une bénédiction abondante qui est symbolisée ici par la pluie. Il dit, le ciel va s'ouvrir devant toi et Dieu va envoyer la pluie en son temps pour bénir le travail de tes mains. Et comme résultat, c'est toi qui prêteras à plusieurs personnes. Tu n'emprunteras plus. Prie pour que cette promesse s'accomplisse cette année au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, je vais te dire infiniment merci. Merci et merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu donnes à quelqu'un. Merci pour la vie que tu donnes à cette auditrice. Nous te rendons grâce et nous voulons nous incliner pour t'adorer, pour te louer, pour nous réjouir encore devant ta face parce que tu fais pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Merci encore pour cette belle promesse que tu nous as faite. Auparavant, nous étions inquiets. Auparavant, nous étions dans les dettes. Nous entreprenons et nous ne réussissons point. Nous plantons et nous n'arrivons pas à manger le fruit de nos plantations. Nous sémons et nous n'arrivons pas à récolter la semence. Nous faisons des choses, mais nous n'arrivons pas à accomplir de grandes choses. Nous avons des miettes. Nous sommes toujours au même niveau. Mais voilà que cette année, tu encore nous donnons cette promesse que nous allons prêter à plusieurs, que nous serons bénis, que beaucoup vont manger à notre source. Tu dis encore que nous allons prêter même à des nations. Oh, ce matin, je déclare que cette parole soit ainsi dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je maudis donc tout esprit de sécheresse financière. Je maudis tout esprit de pauvreté. Oh, je déclare que papa, tu nous donnes d'être fidèles dans les dîmes offrandes pour l'avancement de ton royaume. Ainsi, tu vas aussi bénir toutes nos activités et tu vas encore bénir tout ce que nos mains touchent à faire. Et ainsi, ton nom sera glorifié, magnifié, honoré et ton nom sera toujours sur nos lèvres et nous allons te servir avec nos ressources pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et il en sera ainsi pour quelqu'un qui dit amen. Amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu as été écrasé pendant longtemps. Ton profit de carrière est resté au même niveau. Cette année, les lignes doivent bouger. Tu vas prier le Seigneur afin que tu sois parmi ceux qui décident, ceux qui influencent le monde, ceux qui influencent ton entreprise, ceux qui influencent la nation. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. La force dans la vie. fois de plus, nous te disons merci ce matin. Une fois de plus, nous bénissons ton nom. Une fois de plus, nous glorifions ton nom. Et nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance, notre joie, parce que tu nous fais du bien. Nous prions ce matin au Père éternel contre toute forme de limitation, contre toute forme de blocage. Nous prions et nous proclamons notre élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute limitation au niveau de notre profil de carrière, toute limitation, tout blocage des puissances des ténèbres concernant notre leadership soit ôté au nom de Jésus-Christ. Fais sauter les verrous de fer au Père éternel et que notre grâce se manifeste effectivement. Que les portes de la bénédiction, les portes de l'élévation, les portes de la promotion, les portes du leadership nous soient ouvertes. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous soyons des personnes influentes dans notre communauté, des personnes influentes dans notre domaine d'activité, afin que ton nom soit toujours glorifié. Nous avons mis notre foi et notre confiance en toi, et c'est toi qui nous guides dans tout ce que nous faisons. Nous sommes tes ambassadeurs, Père éternel. C'est pourquoi n'abandonne pas tes enfants. Fais en sorte que nous soyons toujours la tête et non la queue. Que nous soyons l'exemple partout où nous nous retrouvons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. Nous la puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.